Il n'y a rien d'écrit dans la pierre. Hein? C'est dans ça. Le sable, ça peut s'effacer avec de l'eau. C'est ça. Fait que on va voir ce que l'avenir va nous réserver. Donc, bon, ben, on est. On va être prête pour faire la section de Eric. Bon ben rebonjour tout le monde. Comme vous savez, comme je vous ai mentionné au, dans une intro dans le podcast, on a eu des problèmes de micro quand on a enregistré le podcast samedi dernier. Donc aujourd'hui, lundi, on réenregistre la chronique de Eric Chamberlain en direct de Edmonton, Alberta. Parce que j'avais mal fait le setup pour qu'on entende bien Eric samedi. Donc Eric, je t'oblige aujourd'hui à recommencer. Ouais. Et en plus, ben, je te paye tant et demi, t'as, mettons. Tu me payes tant à deux. Ouais, fait que 0 fois 2, c'est merveilleux. Ouais. Alors, Eric, on parlait de la série des films de Riddick. Ouais, j'ai changé d'idée, on parlait de OK, bon, ben c'est bon. Alors, tu parlais de quoi, là-bas? oui, puis ben, ça m'a donné une journée de plus pour jouer à Riddick. Fait que... T'as-tu vraiment joué à Riddick? Ouais, ben j'avais recommencé Butcher Bay, puis hier, je sais pas, ça me tentait pas de jouer aux deux, trois autres jeux que j'étais en train de jouer, puis il était rendu tard, fait qu'une petite game de Riddick, ça se place bien quand t'as rien qu'une heure. OK. Fait que c'est ça. Bon, ben la série Riddick, pour ceux qui écoutent le podcast et qui sont probablement des joueurs, vous connaissez sûrement les jeux. Et pour toute la planète entière, vous connaissez probablement les films. Ouais, qui ont eu un certain succès. Qui ont un certain succès, oui, en effet. Il y a pas beaucoup. Il y a des gens qui probablement savent pas que le film Chronicles of Riddick est en fait la suite, entre gros guillemets, double guillemets, bracket, tout le kit, de Pitch Black. Pitch Black est un film qui a été renommé quand les Chronicles of Riddick sont sortis. Ils ont rajouté juste le titre Chronicles of Riddick, Pitch Black en avant, mm-hmm. Comme pour en faire une série. Il y a un autre film qui est fini de tourner. D'ailleurs, je checkais un site tantôt où il y a des images. Donc, il y a un Riddick 3 qui s'en vient. Ça tombe bien qu'on refait mon petit passage parce que j'ai eu le temps de trouver de l'information sur le film. Ah, c'est cool. En fait, ce qu'on sait, c'est que Riddick se fait encore fourrer. Parce que ça, c'est la vie de Riddick, qui se fait mettre en prison constamment. Il se fait avoir, mais en tout cas, on sait qu'il faut qu'il se sauve d'une gang de mercenaires encore. Mais ça a rapport avec sa planète d'origine, qui avait été, où tout le monde avait été détruit. Je vais y revenir, mais il semble qu'on retourne à la planète d'origine de Riddick. Donc, probablement qu'on aura plus d'explications sur les origines de Riddick qui est le personnage central de toute la série. C'est vraiment une série qui est centrée sur le personnage de Riddick plus que sur une histoire ou une espèce de... T'sais, c'est pas Lord of the Rings. OK. où on suit l'histoire de l'anneau, puis il y a plein de gens qui se greffent. C'est vraiment, on suit l'histoire de Riddick. Donc, si vous pensez que ça a commencé avec le film Riddick, le film de Pitch Black, ben vous avez raison, mais l'histoire commence pas là. Parce que après que le film soit fait, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, dont les jeux, qui sont tous des prequels au film Pitch Black. Et il y a eu des livres faits à partir des films qui rajoutent de l'information sur l'histoire de Riddick. Ça a-tu été des livres avant, puis ils ont fait des films avec ça, ou ça a vraiment été fait comme un scénario de film en partant, puis après ça, ils ont fait du stock alentour, comme des livres, des jeux, des choses comme ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est, ils ont fait le film Pitch Black, puis après, il y a quelqu'un qui a décidé d'écrire un livre à partir du film. Donc, il a pris l'histoire du film, il a mis ça dans un livre, puis il a rajouté... parce que ça n'aurait pas fait un livre très long, on s'entend. Hein? Il a rajouté comme de l'information partout. Donc, quand, mettons, dans le film, il parle d'une planète ou de quelque chose, ben là, il y a toute une explication, évidemment. Là, un chapitre d'explication sur tout. Là. Donc, on a plus d'informations. Donc, si vous allez sur les sites web de fans ou de wiki, de Reddit, de Riddick, Reddit, parce que Reddit, c'est des jouets pour enfants. Ouais, puis Reddit, c'est un site internet où je passe le trois quarts de ma vie. Fait que, on est confus. Donc, c'est ça. Donc, la plupart de l'information vient de ces livres-là ou des jeux, surtout des jeux. Il y a beaucoup de stock qui a été dit dans les jeux. Et puis, il y a eu un director's cut aussi de Chronicles of Riddick, je pense, qui rajoutait un petit peu de scène coupée, évidemment. Donc, il faut aller chercher l'information un peu partout. C'est... si vous avez juste vu les films, c'est comme correct, mais quand vous avez joué au jeu, ça rend les films vraiment plus intéressants parce que tout se complète. Donc, ça va commencer. si vous voulez, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. Je vais vous donner l'ordre. En fait, Escape from Butcher Bay, qui est le premier jeu de la série, est le point de départ de l'histoire de Riddick. C'est là qu'on, qu'on est supposé connaître le personnage pour la première fois. Oui, c'est ça. OK. Et ensuite de ça, on s'en va sur Assault on Dark Athena, qui est le deuxième jeu. Ensuite, on s'en va à Pitch Black Slam City. Ensuite, on s'en va au film Pitch Black, qui est le premier film qui a été fait. Donc, vous voyez déjà trois choses qui ont été faites avant. Il y a Dark Fury, qui est un comic, genre manga de Reddit, un film animé. Qui est très bon en passant, qui n'est pas très long, là, mais qui est quand même très bon. Ensuite de ça, il y a une espèce de TV, série TV qui a été faite avant le lancement de Pitch Black, qui s'appelait Into Pitch Black, qui est vraiment très mauvaise, très mal jouée, qui est une espèce d'histoire où un policier enquête pour savoir ce qui s'est passé pendant le film Pitch Black. Comment ça se fait que tout le monde sont presque morts, blablabla. Donc, il interroge des gens qui ont connu Riddick, etc. Puis c'est entrecoupé de scènes du film de Pitch Black. Ça devait être fait, dans le fond, pour une espèce de, créer une espèce de hype sur le film, dans le fond. Mais c'est vraiment pas bon. Là. Vous pouvez le regarder sur YouTube. C'est comme coupé en cinq parties. Ensuite aussi, il y a un film qui s'appelait The Hunt for Riddick, qui est pas un film, je veux dire un jeu qui s'appelait The Hunt for Riddick, qui est un espèce de jeu point and click qui avait été fait, qui était sur le site officiel de Riddick avant le lancement du film Chronicles of Riddick. Le jeu est plus disponible et c'est vraiment pas trouvable non plus. Là. J'ai vraiment cherché les entrailles de l'Internet. Il n'y avait absolument rien de ça. Ensuite de ça, il y a un jeu aussi qui est plus disponible qui s'appelait Escape from Crematoria, qui est un jeu fait par des fans. Ça non plus, ça se trouve plus. Mais en fait, c'était comme une espèce de jeu, un side-scroller, là, une espèce de jeu de pas de plateforme, là, mais en tout cas, de Riddick, que tu recréais dans le fond les événements du film The Chronicles of Riddick. Fait que tu te promenais puis tu tapais sur A pour cogner puis B pour sauter, je sais pas, c'est quelque chose de même, là. Ouais, c'est ça, il y a des, puis il y avait des fenêtres de texte qui expliquaient un peu. C'est vraiment pas bon, le vraiment jeu de boîte de céréales, mettons. Et encore. Ouais, c'est ça. Donc c'est qui Riddick? Riddick, c'est quelqu'un qui vient de la planète Furia, donc c'est un furien. Dans son cas, on dit que c'est un alpha furien parce qu'il semble y avoir comme deux types de furiens, certains qui sont comme plus forts que les autres. Donc, génétiquement, ils devaient être nés d'une meilleure famille, probablement. Il n'y a pas grand-chose qui est expliqué sur sa vie, sinon l'espèce de légende qu'on apprend dans le film Chronicles of Riddick, qui est qu'il y a un élémental qui était nommé Aeron. Un élémental, c'est une espèce, c'est celui qui est joué par Julie Dench dans le film Chronicles of Riddick. C'est une espèce de personnage qui fait des prédictions, là, une espèce de prêtre, voyant, qui fait des prédictions. Et ce voyant-là va faire une prédiction à quelqu'un qui s'appelle Lord Marshall, qui est joué par Colm Feore dans le film Chronicles of Riddick. Mm-hmm. Et lui étant le chef des méchants, les méchants Necromancer, il se fait prédire qu'il y a un furien qui va être sa perte, un peu comme le pharaon dans l'histoire de Moïse. Donc lui, il s'en va sur la planète Furia, puis il décide de tuer tous les nouveaux-nés en les étranglant avec leur cordon ombilical. Super le fun. Ouais, c'est magique. Ouais, puis malheureusement pour lui, il semble que Riddick, par une façon bizarre, survit. On n'en sait pas plus. On ne sait pas qui s'est occupé de lui, rien. On sait juste qu'il survit. Et donc, après ça, lui, il part se disant qu'il a tué tout le monde. Après ça, on saute beaucoup, beaucoup d'années parce que là, Riddick, après ça, ce qu'on sait, c'est qu'il a joint l'armée et il devient pilote. Pardon. Et quand je dis qu'il a joint l'armée, c'est que un fait intéressant dans le monde de Riddick, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gouvernement dans l'espace, dans l'univers, étant donné que l'humanité s'est étendue sur plusieurs systèmes solaires, c'est comme un peu impossible à gouverner. Donc, l'univers, c'est vraiment la jungle, la loi du plus fort. Donc, c'est tout contrôlé par des factions. Celui qui est capable de prendre d'assaut une planète, c'est celui qui la contrôle, finalement. Okay. Donc, tout le monde est mercenaire un peu là-dedans, parce que c'est plus facile de changer de côté quand ça va mal. Ouais, c'est ça, tu vas juste changer de camp. Oui, c'est ça. Être loyal dans le monde de Riddick, c'est pas bon parce que dans le fond, tout le monde veut ta peau. C'est un peu comme en politique. Exactement, c'est ça. Faut t'en donner des deux côtés. Tu sais. Faut que tu saches changer de camp quand c'est le temps. Oui, c'est ça. donc, c'est ça. L'histoire de Riddick commence là où, parce qu'il est contre la torture, il voit son armée. Ses commandants torturer des gens. Lui, il est contre ça. Donc, il va être emprisonné, évidemment, torturé. Et là commence la merveilleuse vie de Riddick, qui est en fait de se promener d'une prison à l'autre. Dans tous les jeux, tous les films, c'est ça. C'est Riddick se fait capturer, se fait mettre en prison, s'évade. C'est un peu constamment ça qui se passe avec Riddick. C'est un peu comme God of War, là, que tu perds tes pouvoirs, tu les retrouves, tu perds tes pouvoirs, tu les retrouves. C'est ça, ou Batman avec tous ses pays ennemis qui met Arkham, qui se révade, qui remet Arkham, qui se révade. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, Riddick, c'est ça, on dit que son éducation a été faite dans le système carcéral. Le gros point d'interrogation, qui paye toutes ces prisons-là dans le monde de mercenaires? Pourquoi qui garde du monde en prison? C'est pas expliqué, puis on s'en fout pas mal aussi. Ah, c'est vrai que c'est un peu nébuleux. Hein? Ça, c'est comme pourquoi ils font juste pas liquider le monde? T'sais? C'est un monde, espèce de monde hyper violent, puis il n'y a pas vraiment de gouvernement. Donc, tu te dis, pourquoi qu'ils mettent le monde en prison? C'est vraiment bizarre. Parce qu'en plus, il y a tant de l'argent qui est mis la tête à Riddick, qui est toujours mis à prix, puis ouais. Fortement. Là, c'est comme le gars le plus recherché de la galaxie. Mais pourquoi que le gardien de prison paye de l'argent pour avoir Riddick dans sa prison, on ne sait pas. T'sais. Donc, c'est tout ça, c'est un peu nébuleux. C'est jamais vraiment expliqué. Ouais, il pourrait juste le vendre puis ramasser c'est ça, le cash. Il y a une espèce de stock market de prisonniers. Genre, je sais okay. pas, des travaux forcés peut-être. Ça pourrait être une raison. Ouais, peut-être. Ensuite, ben, c'est ça, il va s'évader. puis il va joindre un groupe de mercenaires, évidemment. Et il est dit qu'il est le seul survivant d'une espèce de groupe, de son groupe de 500 hommes qui va aller se battre sur une planète pendant une guerre. C'est aussi dit que Riddick en aurait probablement tué une bonne partie, ce qui n'est pas surprenant quand on connaît le personnage. Ouais. c'est là que Riddick est capturé et il va être envoyé à Slam City. En fait, je me suis trompé tantôt quand j'ai dit l'ordre. Slam City, c'est la première chose qui vient avant Butcher Bay. Slam City, c'est une espèce de webcomic, espèce de comic book interactif en Flash qui a été faite. Ça se trouve sur le web, ça par exemple. C'est très bon, hein? Ça, si vous voulez le regarder, c'est quand même bien fait. Ça explique que Riddick arrive à cette prison-là qui s'appelle Slam City et comment il va s'en évader en à peu près 11 heures d'être arrivé. Et ça explique aussi la première version de comment il reçoit ses yeux, son eye shine. Oui, parce qu'il y a deux versions. Pas « e-shine », comme tu disais l'autre fois. « Eye shine », shine ouais, comme un œil. Je me demandais si c'était un produit Apple, ça s'appelle ouais. « e-shine ». Puis le « eye shine », donc il y a deux versions, quasiment trois en fait, de comment il reçoit son « eye shine ». Et ça, Slam City, ça explique la première. donc, pour ceux qui veulent le trouver, vous avez juste à taper « Chronicles of Riddick Slam City », Watch Chronicles of Riddick Slam City Online ou quelque chose comme ça. Il y a un paquet de sites là, un peu à la Ice Film, là, plus ou moins douteux, là, qui l'ont encore en archive. Il y a des sites de web archive aussi qui l'ont. Donc ça, ça se trouve assez facilement. Donc c'est là qu'il reçoit son eye shine en prison. Il y a des gens qui sont dans la prison qui s'appellent des Shiners qui ont déjà ce pouvoir-là. Et Riddick se le fait faire par un médecin qui est en prison en échange d'un paquet de cigarettes. Donc, c'est un petit peu moins cher que... Moi, j'ai eu la chirurgie laser aux yeux. Ça a coûté pas mal plus cher qu'un paquet de cigarettes. Et je vois pas mieux dans le noir. Ah, ben non, tu vois pas... Non, c'est plate. Ben, c'est ça. Il a peut-être fait que j'aille en prison. donc, ça s'arrange, mais c'est jamais une bonne place à aller. C'est un petit peu douteux. Pardon, le téléphone qui sonne. C'est là qu'il reçoit son eye shine. Il va y avoir une autre version qui va arriver dans Butcher Bay pour le eye shine. Donc, c'est ça, Riddick, qui va se sauver de cette prison-là. Pour une raison, il va être recapturé par celui qui l'avait amené, là, qui s'appelle William G. Jones, qui est comme considéré un des personnages importants parce qu'il va. C'est un de ceux qui capture Riddick une couple de fois. Okay. Et c'est là qu'il est amené à Butcher Bay, premier jeu vidéo. La version du eye shine dans Butcher Bay, en fait, c'est comme par vision. Il y a un personnage qui s'appelle Shira, qui est une espèce de Saint-Esprit, si on veut, là, qui lui parle constamment dans les films. Riddick a tant des visions du passé de sa planète, puis des massacres qu'il a vus quand il était né, dans le fond, là. Qui ne sait pas vraiment c'est quoi. Donc, cette espèce de vision-là. Et elle va lui dire que ça fait trop longtemps qu'il est aveugle, dans le fond, et qu'il devrait voir. Et c'est là que le eye shine arrive, un petit peu par une version magique. OK. C'est la version qui est, je pense, retenue un petit peu plus tard dans les autres. La version magique au lieu de la version chirurgicale? Ouais, la version magique, elle semble plus retenue. Peut-être parce que, en fonction du troisième film, je ne sais pas, il s'enlignait vers ça. Ouais, peut-être. On ne sait jamais. En tout cas, moi, j'aimais bien la première version, là, avec le scalpel dans la prison puis le paquet de cigarettes. donc, c'est ça. À Butcher Bay, Johns livre Riddick à la prison. Et, bon, bien évidemment, Riddick, lui, va vouloir s'évader de la prison. Pendant que Johns, lui, monte dans les bureaux du gardien de prison pour négocier son prix avec Riddick, parce qu'évidemment, il veut avoir plus. Donc, pendant tout ce temps-là, Riddick lui essaie de se sauver. Le jeu, c'est fait à la première personne. C'est un petit peu plus un first-person shooter que le deuxième, mais c'est plus un first-person brawler, comme on dit. C'est à coups de poing, peut donner des coups de pied, on ramasse des armes. D'ailleurs, une des premières missions dans le jeu, c'est de se trouver une arme. Donc, il faut se trouver un couteau, une lame. Okay. Puis là, il faut se battre contre le tough de la prison. Évidemment, on le bat parce qu'on est Riddick et qu'on bat des derrière. Le jeu, il y a quand même plein d'acteurs connus. Il y a le rapper Exhibit, comme dans Pimp Mon Char. Ouais, il y a Ron Perlman et il y a une couple d'autres actrices aussi qui sont assez connues. Donc, le jeu avait reçu des bonnes critiques. Et bien c'est ça. Une chose intéressante dans le jeu aussi, c'est que Riddick a des choix de réponse. Ça influe pas vraiment le cours de l'histoire, mais ça fait quand même intéressant de pouvoir parler à des personnages. Il y a une couple de missions au début qu'on peut accepter ou non, mais qui changeront pas grand chose. Entre autres, il y a un gars en rentrant parce que on peut parler à tout le monde qui est là, tous les prisonniers. Il y en a un qui va nous demander d'aller le venger. C'est pas une mission qu'on est obligé de faire, mais ça donne quelque chose de plus, là, tu sais. Okay. Ça donne, je me rappelle plus, je l'ai joué à matin, là. Je pense que ça donne une arme ou quelque chose, là. Non, ça donne de l'argent. Il y a de l'argent qui est donné. Donc, c'est ça. Dans le jeu aussi, le système pour retrouver sa vie, c'est des stations un peu partout, sur lesquelles il y a des grosses aiguilles qui nous sortent puis qui nous rentrent dans le cou et qui nous redonnent notre vie. Okay. Et évidemment, la façon de booster notre vie au fur et à mesure du jeu, c'est qu'un peu partout, on trouve des espèces de stations, là, un peu le même genre, où on s'assoit, puis qui vont nous rajouter un carré de vie à chaque fois. Donc, c'est la façon d'augmenter notre vie. C'est comme ça qu'on devient un petit peu plus fort avec le temps. Fait que tu peux ramasser à partir, mettons, avec 3 carrés de vie, puis finir avec 6 carrés de vie, genre? Ouais, c'est ça. Tu commences au début, tu as 4 carrés. Okay. Fait intéressant, c'est un petit peu comme dans Résistance, le premier. Donc, j'ai 4 carrés de vie. Si quelqu'un me donne un coup de poing, la vie descend. Mais s'il ne me fait pas descendre en dessous du 4e carré, tu sais, si je ne tombe pas à 3 carrés, ça va remonter lentement la vie. OK. C'était comme ça dans le premier Résistance. Tu avais trois cubes de vie. Puis si tu te cachais puis que tu mangeais pas de volée, ça avait le temps de remonter. Donc, ça, c'est comme ça le système. Sauf que l'action, des fois, ça va assez vite. Puis on n'a pas le temps de... Tu sais, quand tu as juste un petit couteau puis que les ennemis ont des mitraillettes. Là, le jeu est tout basé aussi sur se cacher dans le noir. Donc, la version pour... le bouton pour s'accroupir embarque la fonction, qui est une espèce de fonction de... stealth. Donc, quand on s'accroupit, on est un peu en version stealth. Donc, l'espèce d'image s'étire un peu. Elle devient un peu bleutée pour nous dire si on est bien caché. Donc, on sait si les ennemis nous voient, si c'est en pleine couleur ou si tout commence à devenir bleuté, on sait qu'on est bien caché. Okay. Donc, c'est avec ça, il y a beaucoup d'ombre projetée. Donc, avec ça, on se cache en arrière des boîtes, en arrière des murs. Puis, on essaye de prendre les ennemis de dos. Quand on attaque un ennemi qui a un fusil, on peut prendre le fusil puis lui tirer dans la tête en même temps, genre. Ouais, il y a des moves assez intéressants, là. T'as-tu des combos à la God of War, des affaires comme skipper, non, c'est ou non? C'est vraiment un coup de poing, blocage, puis tu peux donner aussi un coup de pied avec les armes pour repousser les ennemis puis tout ça. Fait que faut vraiment que tu fasses comme un jeu de boxe, ou presque, là. Faut que tu prennes de gauche à droite, t'essayes de faire le tour de l'ennemi puis le poignarder. Okay. Il y a toute une espèce de finishing move quand tu tues l'ennemi, là, où ben, tu lui plantes le couteau dans l'œil ou plein de petits coups dans le ventre ou blablabla. Là. Donc, il y a tant d'espèces de petites animations. Tu viens pour le finir. Là. Ouais. Puis les ennemis, il y en a que tu vas les tuer du premier coup, il y en a que ça va prendre 5 ou 6 coups, dépendamment de comment ils bloquent ou comment ça touche. C'est quand même bien fait là, pour un jeu. Parce qu'on sait que les combats à main nue dans les first person, c'est vraiment pas évident. Là. Non, pas absolument. Moi, ouais, c'est l'orientation 3D, c'est tout le temps un peu déstabilisant. Dans ce jeu-là, c'est quand même un des premiers qui l'a bien fait. Là. Donc, c'est ça. Et puis, le jeu fini, pas de spoiler, mais quand même, Butcher Bay, le jeu fini, qu'on redevient ami un peu avec notre capteur, John, qui n'a pas réussi à s'entendre pour avoir l'argent qu'il voulait. Fait qu'on s'évade avec John. OK, fait qu'il t'aide à t'échapper de là parce qu'il voulait être plus payé. Oui, c'est ça, il voulait de l'argent, puis ça n'a pas marché. Fait qu'à la fin, il te joint pour tuer tout le monde. Ah, OK. Il est en maudit. parce qu'il faut bien qu'il paye son gaz, le gars. Ouais, à un moment donné, ça coûte pas rien. C'est ça. Évidemment, la vie pourrait être belle, mais non, leur vaisseau va être capturé par un vaisseau qui s'appelle le Dark Athena. Et ça, c'est le deuxième jeu. Donc ici, en passant, pour ceux qui veulent jouer, c'est disponible les deux jeux sur Xbox dans la même boîte. Le jeu Dark Athena, qui est sorti en 2009, venait avec un remake HD de Butcher Bay. Fait que c'est pour 360, j'imagine? Ouais, moi, je l'ai sur 360. Je pense à la même chose sur PS3. Il se fait PS3 aussi? Ouais. OK. Le jeu... ouais, c'est ça. Fait que moi, je l'ai trouvé usagé, je pense, genre 15$. Là. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que ça vous donne deux jeux. Deux jeux qui durent une douzaine d'heures chaque. Okay. Puis comme je disais l'autre fois, en 2005, c'était la plus grosse critique du jeu Butcher Bay, c'était que ça durait juste 12 heures. Ouais, c'était court. Les gens disaient « Ah, oh, c'est donc bien court, tu sais. » Puis aujourd'hui, tout le monde crie au génie avec des Call of Duty de 4 heures. Ben, il crie pas au génie, il crie que c'est trop court, mais ça va donner le nouveau standard. C'est trop court, ça devrait durer au moins 12 heures. Ouais, c'est ça. Ça va être à peu près 6 heures, la star, les shooters. Les jeux longs, tu sais. Ouais, j'ai hâte de voir le prochain Medal of Honor. Tu le verras pas passer. Tu mets le jeu dedans. Ça veut dire, ouais. Baiser sur Y, puis ça va être fini. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que Dark Athena, c'est un autre vaisseau. C'est un vaisseau de mercenaires qu'ils vont capturer. Et puis encore une fois, Riddick va se promener là-dedans. Le deuxième jeu est un petit peu plus difficile à mon avis parce qu'il y a beaucoup moins de shooting. La première moitié du jeu, c'est vraiment du... faut vraiment que tu attaques les ennemis dans le dos puis que tu les égorges. Puis t'as pas accès à aucune arme, vraiment. Le peu d'armes que tu as, il n'y a pas beaucoup de balles. Si l'ennemi a tiré beaucoup avec son fusil avant que tu puisses le pogner, ça veut dire qu'il reste plus ben de balles dedans. Là. Okay. C'est vraiment réaliste de ce côté-là. Là. Au point de vue du combat d'armes. Les ennemis aussi ont toutes des armures parce que c'est des mercenaires, donc ils sont pas faciles à tirer. Là. OK. Donc, quand tu penses à ton affaire, tu meurs souvent, tu recommences souvent. Le jeu aussi est un petit... Il n'y a pas de choix de menu, de texte qu'on peut dire. Par contre, le jeu amène... Il y a plus de choses, genre il faut aller activer des bornes, aller chercher des objets. Donc, il y a un petit peu plus de ça dedans. Le jeu se promène sur la plupart du temps sur le vaisseau Dark Athena, mais aussi sur la planète qui est autour duquel le Dark Athena est en orbite. OK. Et là-dedans, ben, il y a un des personnages principaux, c'est Revas, qui est une espèce de mercenaire sanguinaire là, qui veut la peau de Riddick. Riddick va essayer aussi d'aider les autres prisonniers qui sont sur le vaisseau. Spoiler ici, ils vont tous mourir. Okay. Comme dans tous les films, les jeux de Riddick. Riddick est pas mal souvent le seul à s'en sortir. Le seul survivant, ouais, c'est ça. Oui. Donc Riddick va survivre et il va sauver, et voilà. Pour une raison que je me rappelle plus si j'ai lu ou ce qui n'est pas expliqué, Riddick est encore recapturé par Johns, qui ce coup-là a décidé qu'il n'était plus son ami encore. Il va se réessayer d'avoir de l'argent en pot. Il essaie d'avoir de l'argent, là, je sais pas, essayer de divorcer puis une allocation à payer. Ça va pas bien. Fait que lui, il va décider de capturer Riddick et là, ce coup-là, ils vont prendre un autobus interstellaire, si on veut. Ils vont prendre un vaisseau avec plein d'autres gens. Ils vont essayer de passer par des lignes moins voyagées, ce coup-là, pour ne pas se faire capturer, pour aller amener Riddick dans une prison. Malheureusement, le vaisseau est frappé par une comète parce que tout va bien dans la vie. Et ils vont s'écraser sur la planète Hades, qui est la planète du film Pitch Black. Le concept avec la planète Hades, pardon, c'est que il y a trois soleils qui tournent trois soleils dans cette galaxie-là qui éclairent la planète constamment. Donc, c'est un désert, il n'y a absolument rien qui pousse vraiment. Sauf une fois aux 22 ans, la Lune, la seule et unique Lune et les trois planètes s'alignent. Donc, on a une éclipse qui dure, les versions varient là, de 48 heures à, je sais pas, là, des mois. Donc, il y a cette espèce d'éclipse-là. Et ça pourrait être le fun, sauf que le problème, c'est qu'il y a des pébites qui vivent sur cette planète-là et elles ne sortent que dans le noir. Donc, elles vivent sous terre pendant 22 ans. C'est pas expliqué comment elles survivent, cannibalisme ou autre. Une fois 22 ans, la planète devient noire, donc elles sortent à l'extérieur. Et le groupe qui est là, qui s'est écrasé avec le vaisseau, c'est-à-dire Riddick et toutes les autres personnes qui sont là, entre autres Imam et Jack, qui sont deux autres personnages importants, vont découvrir une espèce de planétarium, une espèce de modèle miniature de la galaxie, et ils vont se rendre compte de ça avec la date que c'est à la veille d'arriver. Comme par hasard. Ouais, c'est ça. Et ils sont déjà au courant des monstres qui vivent sous Terre, donc ils font le 1 plus 1 égale 2 assez vite. Donc, ils vont essayer pendant le film, à chaque fois, c'est un peu comme monté comme un film d'horreur, là. À toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui disparaît, ouais. Qui se fait bouffer. Donc, la nuit tombe lentement, mais sûrement. Eh bien, il y a une course pour aller au vaisseau, aller chercher toutes les sources de lumière qu'ils peuvent pour se rendre à la base où ils ont trouvé un vaisseau pour s'échapper. Reddit, évidemment, avec sa vision dans le noir, est très pratique. Au début du film, évidemment, il n'y a personne qui trace Riddick. Surtout que la première personne qui meurt, personne ne sait pourquoi. Donc, évidemment, Riddick, qui est un meurtrier, est accusé. Johns va y passer sur cette planète-là, évidemment. Un peu parce que Riddick va s'en débarrasser. c'est pratique. Et il y a un des personnages qui s'appelle Fry qui va se sacrifier aussi vers la fin pour sauver Riddick. Riddick va réussir à se sauver avec Jack, qui est un petit garçon, mais qui en fait est une fille qui avait coupé les cheveux courts. Et il y a un autre personnage qui est l'imam, qui est un imam musulman, comme on connaît aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre spécial. Lui, il avait ses fils qui sont morts dans le film. Mais donc, les trois-là vont survivre. Les fils meurent sur la planète, hein, si je me rappelle bien. En fait, il reste vraiment plus personne. Non, c'est ça, mais ils meurent. Ils étaient dans sa planète, puis c'est là qu'ils sont morts. Ils sont pas morts avant qu'on... Fait que, donc, il reste juste ces trois-là, et ils vont se sauver. Et entre ça et le film Chronicles of Riddick, qui serait la prochaine suite, il y a le film Dark Fury, qui est un animé qui a été fait un peu pour combler le vide entre Pitch Black et Chronicles of Riddick. Parce que le problème, un peu, c'est que le film Pitch Black avait pas été fait un film sur Riddick, dans le fond. Ouais. Le film avait été fait à propos du scénario de la planète, les monstres, tout ça. Puis Riddick avait été mis là-dedans parce qu'il voyait dans le noir, puis ça servait bien le scénario. Mais le film et le personnage sont devenus cultes, un peu. Et bon, ils ont décidé de faire un des films avec Riddick. Donc là, il y avait une espèce de gap, une espèce de vide, comme d'où il vient Riddick, qu'est-ce qui se passe, blablabla, bla, bla, comment ça se fait qu'il connaît lui, puis lui. Donc le film a été fait, c'est Dark Fury. Ça se trouve en DVD, ça se trouve, je sais pas si c'est sur iTunes ou whatever. C'est un autre film aussi qui se regarde en ligne si vous cherchez un peu. Les moyens moins Lego. Ouais, c'est ça. Moins Lego comme dans le brique Lego, hein. Ouais, c'est ça, Lego comme ça, ouais. Fait que c'est ça, fait que ça se trouve. C'est quand même c'est un bon petit film. Encore une fois, ben c'est ça, c'est que lorsqu'ils se sauvent, leur vaisseau se fait encore capturer par des mercenaires. Je sais pas si vous commencez à voir le pattern. Pattern ici. C'est tout le temps ça. Donc, ils se font capturer. Riddick va essayer de se faire passer quelqu'un d'autre, mais ça marche pas parce que sa voix a été mise dans le Universe Net ou peu importe qui ont à cette époque-là. Là. Sa voix est reconnue. Et malheur pour lui, la Antonia, qui est l'espèce de chef des mercenaires, elle a une espèce de collection de statues gelées de tous les plus grands criminels. Okay. Et ces criminels-là sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont juste dans une espèce d'état gelé où ils entendent tout, ils voient tout, ils sont conscients de tout, mais ils peuvent pas bouger. Et elle, évidemment, ben Riddick, ça serait la pièce maîtresse de sa collection. Bien sûr. Mais comme tout bon ennemi niaiseux, elle va pas juste le mettre dans... elle va pas juste le mettre dedans. Un peu comme le monde dans Le Silence des Agneaux décide d'enlever le masque du meurtrier. Elle va décider qu'elle veut voir Riddick se battre contre un monstre avant qu'elle puisse le geler, tu sais. OK, ouais. Évidemment, bon, ben, qu'est-ce qui va arriver? Mais il va se sauver pendant qu'il va se battre contre les bobbits. Il y a un fait important à la fin du film, même si c'est un peu un spoiler, mais Jack va tuer quelqu'un. Je ferai pas comme la dernière fois qu'on l'a fait, je donnerai pas tout le spoiler. Mais Jack, la fille, qui se fait pour un garçon au début, se tue quelqu'un. Et ça va un peu traumatiser Jack. Ça va un peu traumatiser Riddick et l'imam. Riddick est un petit peu un faible pour les enfants. C'est tant quelqu'un qui... Comme à chaque fois qu'il y a un enfant en détresse, comme dans le jeu d'ailleurs, Dark Athena, il y a un enfant à un moment donné qui se promène un peu dans les tuyaux, un peu comme dans Aliens avec la petite fille. Là. OK, ouais. Que Riddick, il est un petit peu un faible pour les enfants, il cherche à les protéger. Donc, Riddick est un peu traumatisé, il pense qu'il est responsable que Jack devienne violente et un peu meurtrière. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller les porter sur la planète qui s'appelle Alien Prime, lui et Imam. Et lui, Riddick va disparaître, il va aller se cacher sur une planète de glace. Oh, et c'est là qu'on arrive au film Chronicles of Riddick. Ouais, c'est ça, comme on disait l'autre fois, c'est la même planète que Luke Skywalker, mais comme 10 ans avant. Il coupe-tu un tonton en deux pour se réchauffer aussi ou non? Pas dans ça. Hein? On sait pas. Il vit sa planète, il y a du linge, il y a les dreads avec la barbe là, au début. Et donc, c'est comme ça que le film Chronicles of Riddick commence. Ben, Riddick, il y a des mercenaires encore une fois qui veulent l'attraper sur la planète parce que la tête à Riddick a été mise à prix. Mais pas pour une mauvaise raison, dans le fond, c'est le fameux Elemental Aeron qui revient dans le portrait, qui, elle, voudrait voir sa prophétie se réaliser, c'est-à-dire de voir un furiant vaincre les Necromongers. Okay. Qui, eux, se promènent de planète en planète et qui anéantissent tout le monde. Donc, elle, elle voudrait trouver un Furian encore vivant. Elle ne sait pas que c'est Riddick encore, là. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y en a peut-être encore qui sont vivants. Donc, elle offre, je ne sais pas, c'est genre 1,5 million de crédits spatiaux. Elle avait une somme là, immense. Là. Donc, évidemment, tous les mercenaires de la galaxie sont à la recherche de Riddick. Dans ce cas-ci, il s'appelle Toombs, le mercenaire. Qui retrouve Riddick. Évidemment, Riddick réussit à les battre, même s'ils sont dans un vaisseau spatial, et prendre le vaisseau spatial. Et ben là, Riddick est en beau maudit parce que la seule personne qui savait qui était là, c'était l'imam. Et il va donc s'en aller sur Alien Prime pour confronter l'imam. Et c'est là que l'imam va lui expliquer toute l'histoire, là, que lui est un peu le choisi, le héros, the one, mm-hmm. Que Aaron essaie de retrouver. Mais par contre, aussi, il va lui expliquer que Jack, qui s'appelle maintenant Kira dans le film, je ne sais pas pourquoi ils ont changé son nom, là, en fond, c'est elle qui a changé son nom, est sur une planète qui s'appelle Crematoria, qui est la fameuse planète dans le film où, quand le soleil se lève, ça brûle toute la surface. Mm-hmm. Une prison à triple sécurité. C'est un peu impossible de s'évader parce que à chaque fois, tous les jours, le soleil fait le tour et puis vraiment brûle tout son passage. T'es mieux donc, de faire ça vite. Ouais, c'est ça. Donc, il y a l'espèce de course dans le film pour se rendre au hangar du vaisseau spatial. Pourquoi le hangar du vaisseau spatial est si loin de la prison, on ne le sait pas non plus, mais bon. Donc, cette espèce de prison-là qui a une espèce de pit comme dans Batman, dans le fond. Sauf qu'il n'y a pas de corde puis pas de mur pour grimper. Donc, Riddick fait un peu exprès pour se rendre là dans le film et retrouver Kira. Bien évidemment, il y a des bagarres et Riddick va se sauver et il va retourner sur la planète Alien Prime pour son combat contre le chef des Necromongers qui est Lord Marshall. Un autre personnage important dans l'histoire, c'est Lord Varko qui est joué par... merde, je ne me rappelle plus de son nom. il jouait dans Doom aussi, lui. Il a vraiment fait des films bizarres. Fait que lui, c'est ça, Lord Varko, c'est un autre qui veut défaire, qui est un Necromonger lui-même, mais qui veut défaire Lord Marshall. Donc, il y a une espèce de deal qui est fait avec la femme de Lord Varko pour essayer de défaire Lord Marshall. Et Kira qui va avoir été capturé. Et ben c'est ça, le reste, ben, vous pouvez écouter le film. Il passe à peu près toutes les semaines sur les postes câblés. Ouais, ça passe assez souvent. C'est vraiment un film de remplissage. ça passe tout le temps. Moi, je le vois régulièrement dans le guide. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, parce que je voyais tout le temps le film passer. Tu parlais de qui, Varko? Lord Varko, oui. C'est-tu Carl Urban? Oui, c'est ça. OK. Alors, je suis sur Wikipédia, j'ai aucun crédit. Fait que c'est lui qui joue dedans. Donc, c'est ça. Et ça va être... c'est notre fin, dans le fond, de la chronologie de Riddick. Maintenant, on attend le troisième film qui a été repoussé. En fait, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de distributeur. Le film est présentement fait de façon indépendante. Il y a des chiffres qui circulent qui ont genre 60 millions pour faire le film. Qui pour un film de science-fiction d'action est vraiment rien aux États-Unis. Ouais, c'est pas beaucoup. Et 100 quelques. Ça le place vraiment dans la catégorie des films directs au DVD, genre. Là. Mais il y a tellement de monde qui attendent ce film-là. Ça va probablement être lancé de façon. Ils appellent ça Selected Cities. Là. Ouais. Dans quelques salles. Là, ça va probablement jouer une place à Montréal pendant une semaine, puis c'est tout. Là. Mais les fans de la série sont vraiment hardcore. Là. Surtout ceux qui, comme moi, ont joué au jeu. Là. On s'attend vraiment à une suite à Riddick. On s'attend surtout à plus de jeux. C'est un personnage qui a tellement peu de choses qui nous a été dit dessus, Riddick, qu'il y a place à énormément de choses. T'sais, c'est un univers... si vous pensez que Mass Effect, c'est un grand univers, là, Riddick, c'est comme presque aussi grand. Là. Il y a plein de planètes, puis de races, puis de fractions qui sont nommées tout le long de la série, des jeux. Mais c'est vraiment juste nommé. Là, il y a plein de noms qui sont balancés ici et là. Je veux dire, ils préfèrent plein de prequels sur la vie de Riddick, comme je disais, du temps qu'il était mercenaire, quand il est devenu pilote, etc. Fait qu'il y a plein de choses, là. C'est qu'il y a en masse de place pour recréer d'autres livres, d'autres jeux Flash, puis d'autres, d'autres jeux Xbox, etc. Mais tu parlais pas qu'il parlait de faire plus que d'un film aussi? Ce que j'avais lu, c'est que Vin Diesel avait promis, dans, entre guillemets, je sais pas à quel point lui est impliqué là-dedans, là, ben comme oui, mais dans les décisions, mais lui, il disait qu'il voulait au moins en faire deux autres. OK. Donc, c'est un peu ça. Il avait dit un peu aux fans, « Ah, oh, je vous promets que je vais en faire deux autres. » Donc, il est nommé dans le producteur du film. Ouais, probablement. Diesel. Ouais, il est le premier de quatre producteurs du film. Donc, c'est ça, le film a été... je sais qu'une des personnages principales, c'est une fille qui jouait dans Battlestar Galactica. Donc, je ne sais pas à quel point c'est un gros nom, là, mais le film serait supposé, comme je disais au début, se repasser sur la planète Furia. Donc, Riddick semble retourner là parce que sa planète est en danger d'être détruite. Je ne sais pas à quel point il reste du monde vivant sur cette planète-là. Fait que on va bien voir. Là, c'est un peu le retour aux origines de Riddick. Là. Ouais. Selon Wikipédia, ça s'appellerait « The Chronicle of Riddick, Dead Man's Talking ». Ouais, la prémisse, c'est Riddick se fait encore voir. Je sais pas si c'est les Necromonger qui l'ont encore jeté en prison, mais... Ben, ouais. Il parle qu'il est, laissé pour mort sur la planète qui a été détruite par le feu. Fait que c'est peut-être la même planète que tu parles, la prison. Là. Puis là, il se retrouve à se battre contre des prédateurs extraterrestres et tatatatata, là. C'est la prémisse qui est marquée sur Wikipédia. Ce qu'on aime de Riddick, c'est que c'est vraiment un personnage presque unidimensionnel, là, un peu à la Rambo, avec des one-liners. T'sais, s'il tue quelqu'un avec du feu, il va dire « Ah, tu devrais arrêter de fumer. » Tu sais, des genres de jokes plates comme ça. Là. Mm-hmm. Un peu, ouais, c'est des gags aussi à la Indiana Jones, si on veut. Là. Il y en a plein de jokes comme ça à Indiana Jones. Là. Fait que c'est vraiment ce genre de personnage-là là, qui est... se pose pas trop de questions puis qui rentre dans le tas. Là. À chaque fois que quelqu'un le provoque, sa réponse, c'est genre « Ouais, essaye-toi, genre. » Il n'a vraiment peur de personne. Là. Donc, ça fait... Mais c'est un personnage quand même complexe parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut puis sa seule raison, c'est de survivre. Ouais, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Fait que j'espère que dans le troisième film, il va... T'sais, dans le fond, il veut tout le temps juste s'occuper de ses problèmes à lui, mais il rencontre tout le temps quelqu'un en bout de chemin qui essaie d'aider, t'sais. Comme quand il va se sauver de la prison dans Chronicles of Riddick, en fait, il dit « Moi, je cours, puis si vous n'êtes pas capable de suivre, tant pis. » Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui pue assez vite, fait que là, il va comme essayer de les aider, t'sais, pour rattraper. Puis comme je disais, quand il y a des enfants, puis tout ça, il y a comme un petit faible, donc... Il y a tout le temps quelque chose pour le ralentir, pour créer une twist dans le film. Parce que sinon, Riddick, dans le fond, il pourrait juste s'en aller en ligne droite puis piocher tout le monde. Ben, il essaie de montrer qu'il se fout de tout, mais dans le fin fond, tu vois que c'est pas nécessairement vrai. Là. C'est ça, peut-être parce que lui a pas une enfance des meilleures. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis comme je disais l'autre jour, il y a d'autres univers qui ressemblent à ça. Vin Diesel, il a fait un autre film avec Mathieu Kassovitz qui s'appelait Babylon AD. Qui est oui. Un super bon film. tellement bon. La raison pourquoi je nomme ça, c'est que je sais que Vin Diesel, c'est pas le plus grand acteur, mais le personnage ressemble un peu à Riddick. Une espèce de mercenaire qui se fout de tout, mais qui est embarqué dans quelque chose. Si vous êtes fan de Riddick, ça vaut un peu la peine là, de le regarder. Là. C'est un autre film de science-fiction fait avec un petit budget. Là. Ouais. Puis pour, comme je disais l'autre fois, toi tu l'as vu et tu l'as pas aimé. Je trouve ça comme. Ben, c'est pas un grand film, là, mais The Lockout. Oui, qui est Sécurité maximale en français. Qui est le film de Luc Besson qui se passe dans une prison, station spatiale dans l'espace. Là. C'est ça. La raison pour laquelle je le nomme, c'est parce que le personnage qui est joué par Guy Pearce, c'est quasiment Riddick. T'sais. Il se fout un peu de tout. Puis il y a des one-liners. Là, t'sais, il dit, t'sais, quand le policier demande au début où tu étais, il dit avec ta femme. Ouais. Ça, bon gag. Bon ouais. Gag. Fait que c'est un peu le même genre de personnage. Puis c'est surtout parce que ça se passe d'une prison qui est en orbite, un peu comme dans Dark Athena ou dans le film, le premier, qui s'appelle Slam City, qui est une prison en orbite. Donc, je les nomme juste parce que c'est comme... On dirait que ça sont inspirés de Riddick. Ce qui serait pas nécessairement impossible. Ouais, c'est ça, dans le fond. Parce que, comme je disais, c'est un univers qui est assez large, Riddick, là, qui peut être développé, donc c'est ça. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour... OK. On n'a pas de date de sortie. Selon ce que je vois, c'est marqué release date 2013 pour le prochain. Ouais, il y a Riddick. Il est tellement ancré au personnage. Il y a Vin Diesel qui a dit qu'il avait vu des premiers montages du film puis que c'était tellement bon qu'il n'avait pas dormi, mais. It's the best movie ever. Si c'est fait de façon indépendante, d'après moi, c'est genre l'éditeur, il travaille à temps plein ailleurs, puis il fait ça les soirs, là, tu sais. C'est ça, il fait ça pendant ses fins de semaine, temps libre. C'est le chum à Vin Diesel qui fait ça dans son sous-sol, là, le editing. Fait que je sais pas trop, là. J'espère que ça sera pas trop pourri, là. Mais bon, je sais que le réalisateur, c'est pas un nobody non plus, là. Fait que c'est le gars qui avait fait les autres avant. OK. Fait que, bon, d'après moi, l'univers devrait se tenir. Là. Faut juste voir si les effets spéciaux ont l'air un peu ridicules, là, si les monstres sont en carton. Puis, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il va être quand même distribué par Universal Pictures. Il y a un distributeur. Les studios qui l'ont fait, c'est des studios que je connais pas. Là. Mediarite Capital, Radar Picture, puis One Race Films. Là. C'est des studios que je connais pas, là. De Vin Diesel, ça, justement. Ça se peut. Il avait parti, il avait commencé à faire Fast and Furious. Je dis peut-être n'importe quoi. Ah, Founder Vin Diesel. Ouais, c'est temps plein, ça. Fait que, ouais, ça, ben, Universal, c'est sûr, le film leur a rien coûté, ils vont le distribuer. Ouais, c'est, puis ils vont ramasser un peu d'argent dans le. Il y a de la en salle, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous conseille, si vous êtes amateur de first person, mais que vous aimez quelque chose d'un petit peu différent, puis un challenge, les jeux sont vraiment bons. Les films, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu Pitch Black parce que c'est pas vraiment associé. Surtout que le film, au début, s'appelait juste Pitch Black. Ça s'appelait pas Chronicles of Riddick Pitch Black. Ouais. Puis c'est pas le genre de film, surtout que les clubs vidéo ont disparu. C'est pas le genre de film qui est facile à trouver. Et pour les intéressés, là, Amazon.ca, les Chronicles of Riddick Trilogy. Les trois films, 14 et 20 pour les trois. Ah, ça, c'est vraiment un bon deal. Fait que ceux que ça leur tente, là. Il y a des bonnes chances, par exemple, que Dark Fury soit juste en anglais, vu que c'est un animé. Là. J'ai pas l'impression qu'il doit avoir les pistes françaises dessus, mais je veux dire, pour 15$, là, ça a quand même de l'allure. Là. Ce qui est important à mentionner aussi, c'est que c'est Vin Diesel qui fait toutes les voix dans tous les produits de Riddick. Hein. Donc, l'animé, il est là, les jeux vidéo, c'est lui. Il y a juste le premier, dans le fond, comme je disais, le Slam City, qui est un comic. Fait que c'est juste du texte, là. Mais okay. Le reste, c'est, il est là tout le long. Donc, il y a une bonne continuité, puis ça rend le... Ça empêche de décrocher. C'est surtout quelque chose comme ça qui a été fait un petit peu plus de façon indépendante, des fois. Là. Ouais, ça va être à voir. Tu veux le Pitch Black... ben, pas le Pitch Black, Chronicle of Riddick, Dark Fury, au moins, il y a les sous-titres en français. Mais ah. Le film a l'air juste d'être en anglais, là. Ceux qui comprennent l'anglais, c'est parfait. Ça les dérange pas de lire des sous-titres, au moins il y a des sous-titres français. C'est ce que Amazon me dit. Fait que c'est peut-être trouvable ailleurs chez Future Shop, quelque chose comme ça, la trilogie, là, mais... Tous les magasins qui vendent des CD usagés qui existent encore. Ouais, peut-être. Je suis sûr que dans une bin quelque part, vous pouvez les trouver en séparé à, je sais pas, 3$ chaque. C'est probablement pas tellement cher, ouais. Ouais, je sais que Riddick aussi, peut-être qu'en Blu-ray aussi, tu as les versions remasterisées. Je sais pas celui que tu regardes, là, mais je sais que Chronicles of Riddick, il y avait eu un Editor's Cut. Donc, ça, c'est peut-être intéressant aussi. Ouais, il y a des versions, tu sais, Blu-ray, Riddick Collection Blu-ray. C'est-tu les trois films? On fait ça du live, hein, c'est le fun. Pitch Black, The Chronicle of Riddick, c'est juste deux films, c'est 25$ en Blu-ray. Chez Future Shop. Après ça, t'as les DVD de Riddick. Chronicle of Riddick, Pitch Black, 24$ en Blu-ray, mais il n'y a pas l'air d'avoir... c'est un deux films. Fait qu'il à ce moment-là, je dirais au monde, vu que c'est pas des films qui ont été comme shootés en super haute qualité, là, d'avoir Dark Fury, ça serait comme important si vous trippez. Là. Ouais. Parce que c'est vraiment, ça explique bien des choses, comme qu'est-ce qui s'est passé entre Pitch Black pour qu'on en arrive à Chronicles of Riddick. Puis comme je disais, ben, les jeux, ça se trouve dans une bin usagée chez EB Games ou même chez Future Shop, je l'ai vu, puis c'est vraiment comme 10-15$. Ils ont usagé PlayStation 3, 20$, Assault of Dark on Dark Athena, puis 9 sont 30$. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je n'avais même pas payé ça. Ouais, c'est ça. Puis juste, même si l'univers de Riddick vous intéresse plus ou moins, ça fait quand même deux jeux. Deux jeux pour 10, pour 15-20$, c'est quand même pas pire. Ouais, tu mets sur ces sites de Future Shop, ça a l'air d'être le jeu seulement, c'est pas deux jeux. Fait que peut-être toi tu l'as trouvé usagé peut-être chez eBay Games ou quelque chose. Non, comme il ça. Vient dedans, il est automatiquement dedans. Ah, ok, ok, ok. C'est comme... pas marqué sur la boîte. Ouais, c'est okay. Pas comme un DLC que tu es obligé d'avoir le code neuf pour que ça marche. Là. Ah, okay. Les deux jeux sont sur le disque. Quand tu commences, tu te demandes lequel des deux tu veux jouer. Là. Ah, c'est pas pire. Ceux qui s'intéresseraient, ben juste Dark Fury. Il est 12 et 14. Fait que vous êtes aussi bien de commander. Ouais, puis là, Amazon me propose d'acheter toujours deux ou trois films, eux autres. Fait qu'ils ont Dark Fury, Pitch Black, puis Chronicles of Riddick en DVD séparé. Puis ça revient à 40 et 62. Puis quand tu descends plus bas, puis t'as celui que j'ai trouvé tout à l'heure qui était Chronicles of Riddick, la collection complète à 14$. T'es aussi bien de commander ça. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Puis sinon, ben il y a les façons internet de le voir européen. Ouais, les façons pas légales, mais restons légales. 15$ pour trois films, c'est ouais, ça vaut la peine, surtout que la qualité de l'animé va être là. Parce que moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu façon par ordinateur. OK. Yeah. C'est une petite fenêtre, puis ça a été compressé. Là. Fait que c'est pas... C'est pas tellement beau. Celui que vous pouvez sauter, c'est Into Pitch Black, qui est sur YouTube. Puis il doit y avoir une raison pour laquelle Sci-Fi Channel a pas demandé que ce soit enlevé de YouTube. C'est parce que ça a jamais pogné. Parce que c'est vraiment pas bon. Ils s'en foutent. Ça, tu sais, il y a deux versions de la trilogie. Il y en a une vendue par Amazon à 20$, qui est la même affaire que l'autre. Puis t'en as un qui est 15$, qui est 14$, mais qui n'est pas vendu par Amazon, fait que ça te coûte le plus bas, c'est 3$ de shipping. Fait que c'est 14, 15, 16, 17. Et ça revient à peu près au même prix, pas loin du même prix là, de le prendre d'Amazon ou pas. Fait que si vous avez d'autres choses à commander, ben commandez-les d'Amazon direct. Vous allez le payer plus cher, mais votre shipping va être gratis. Fait que c'est ça. Mais c'est une belle petite trilogie à s'acheter. Justement, on parlait justement de le regarder peut-être une autre fois. Chronicles of Riddick, j'avais bien aimé. C'est ouais, pas, Pitch c'est Black, pas c'est un film. Moi, j'avais vu Pitch Black après avoir vu Chronicles of Riddick. OK. Moi, je l'avais vu avant, mais c'est parce que Pitch Black, c'est un film d'horreur qui a presque pas d'horreur parce que tu vois jamais rien. Ouais, c'est ça. Non, il y a pas de. C'est pas super traumatisant. Là. C'est pas Final Destination. Non. C'est ça. Il y a du suspense dedans parce que tu sais pas nécessairement ce qui va arriver, mais quand ça arrive, tu vois rien. Fait qu'il ouais, y a pas c'est pas dégueu parce que, je veux dire, t'es un peu pas, comme hein. Le premier Alien, tu sais. Tu ouais. Vois pas vraiment les bébites. Parce que t'es dans le noir, puis tout à coup, ben, il y a quelqu'un qui disparaît, tu sais. C'est pas aussi bon que le premier Alien, mais... Non, ça, c'est sa meilleure manière de faire un film sans avoir de budget, c'est que tu montes rien. Tu fais juste faire croire au monde. Paranormal Activity, ils sont en train de faire un quatrième film avec ce concept-là. Ouais, c'est qu'il y a quelqu'un en arrière d'un drap noir qui manipule un demi-monstre, tu sais. Fait que c'est, si tu mets ça dans le noir, tu vois pas le gars qui est habillé en cagoule. C'est ça, c'est plutôt facile à faire. Fait que voilà pour les amateurs de science-fiction, mais c'est ça, c'est une série qui est intéressante parce que, c'est pour ça que je l'ai en parlé, c'est parce que c'est vraiment, ça représente vraiment l'ère moderne du multimédia où t'as une histoire qui est sur comme trois plateformes différentes, tu sais. T'as des jeux en flash, t'as des films, t'as des animés, puis t'as des jeux vidéo de console sur PC, t'as des films. Fait que pour avoir toute l'histoire de Riddick au complet, t'es comme obligé d'être un gamer, tu sais. Tu peux pas ouais. Être juste un cinéphile. Puis si t'es un gamer pis que t'as pas vu les films, ben ça, c'est vraiment intéressant d'avoir le complément, t'sais. Ouais, mais c'est vrai, c'est le fun. C'est probablement comme une des premières, des premiers films qui a pris comme avantage de toutes les plateformes. Ouais, puis il y a les livres aussi. Fait que moi, les livres m'intéressent plus ou moins, là. Mais je sais que les livres qui ont été faits avec les films donnent des tonnes d'informations, justement, comme... Le passé de Riddick, puis des trucs comme ça. Tu sais, qu'est-ce qui se passe sur telle planète? Pourquoi qu'il en parle? Il y a des gens qui sont peut-être plus amateurs de lecture. Moi, ça m'intéresse moins, là, mais c'est vraiment... On dirait que pour tout avoir Riddick, non seulement faut t'aies tout vu, mais en plus, faut que tu tapes toutes les Wikipédias pour avoir tout l'ensemble. Savoir l'histoire complète. Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça plus intéressant que quand ils te font un jeu basé sur un film puis que tu fais juste recréer les actions du film, tu sais. Ouais, qui est la plupart des jeux vidéo qui sortent. Comme Avatar. Non, je sais pas, je l'ai pas joué Avatar. J'ai vu les critiques, puis je me suis dit, c'est pas pour moi. Fait que c'est ça, ouais, c'est une histoire complètement différente. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, ben, c'est bien beau. Fait que merci, Eric. Puis en même temps, ben, je vois tout. Moi, faut que je réenregistre ce que j'avais dit après. Merci d'avoir été avec nous autres pendant les quelques mois que tu as été là. Tu as rajouté du contenu, un, dans le podcast, puis deux, sur le site aussi. Parce que tu étais le seul, on ne se le cachera pas, tu étais le seul à vraiment mettre de l'information sur le site, puis tes chroniques chèques de paye sur le site vraiment toutes les semaines. Puis moi, tout ce que je mettais, là, c'est les liens quand les podcasts sortaient. Fait que merci d'avoir fait ça. Je suis super content que tu puisses que tu t'es trouvé une place chez Facteur Geek. Ça va te permettre de continuer d'écrire puis de faire ce que tu faisais super bien sur notre site. Puis je vais continuer à te lire sur Facteur Geek. Ben oui, merci. Merci à toi de m'avoir donné la chance. Puis moi aussi, je continue à te suivre parce que pour un gars qui arrête un podcast, t'en as encore deux. Ouais, mais fait que ça va bien ton affaire. Ben c'est parce que ce qu'il faut que le monde comprenne, c'est un peu comme Frank The Tank disait, c'est que lui il arrive chez Ben, ben là c'était chez eux, mais là il change de place, il fait l'analyse des geeks, il s'en va, puis c'est miraculeusement sur internet le lundi, puis il va chez Denis Talbot, il s'assoit, il enregistre pendant 2 heures, puis ça se retrouve miraculeusement sur le site comme au courant de la semaine d'après. Ben là je laisse un podcast qui me prenait beaucoup de temps, mais que j'adorais faire aussi, là. Je lâche pas ça parce que je veux dire j'aimais pas ça, mais je fais 2 podcasts présentement qui me prennent pas de temps. Je veux dire, je l'ai déjà dit, Histoire de Gamer, ça me prend à peu près 5 minutes à éditer. C'est super rapide. Puis le podcast de Secteur 42 que je commence à faire, mais c'est tout Max qui fait le gros travail d'édition puis de mettre ça en ligne. Fait que moi, ça me donne jaser 2 heures, puis après ça, j'ai pas d'autre chose à faire. Puis dans le temps que j'ai présentement, puis c'est un peu pourquoi il a fallu que je laisse le podcast, c'est que j'ai pas de temps pour ça, j'ai d'autres choses personnelles qu'il faut que je règle. Fait que ça me donne le temps de faire ce que j'aime, qui est de faire du podcast, mais pas ce qui va alentour, qui est l'édition, puis d'éditer 2 fois parce que je fais mal la job le premier coup. Mais au moins, Histoire de Gamer est sauvée et il est rendu sur Facteur Geek aussi. Ben oui, ça fait que Histoire de Gamer s'en va te suivre. On était absorbés! Ouais, absorbés, on a vendu les contrats. Ouais, c'est ça. On est tous rendus chez Facteur Geek. Fait que c'est ça, si les gens veulent continuer à lire la chronique de Chèque de paie, on est sur Facteur Geek maintenant. C'est ça. Même jour, différents postes. Ouais, parce que la paie, c'est le jeudi. La paix, c'est jeudi. Bon, ben merci Eric, c'est super le fun, puis j'ai vraiment aimé ça travailler avec toi pour quelques podcasts que t'as fait. Je me rappelle même plus ça fait combien de temps. Depuis tellement que ça a bien été. 7, je pense. Quelque chose comme ça. Ça fait 5. Hein? Ouais, ça fait 5 podcasts. Fait que c'est ça. Fait que merci encore, puis bonne chance chez nos amis de Factor Geek. Bye! Alright, bye! When the cold winds are calling and the sky is clear and bright, misty mountains sing and beckon, lead me out into the light. I will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. On a vu beaucoup de films ce mois-ci, qui est un peu rare. Yay! Fait qu'on va commencer avec notre chère Annick, qui est allée voir le film Rebelle, ou de son nom anglophone Brave, qui est un film de Disney Pixar. Ça dure 93 minutes, donc 1h33. C'est un film pour enfants. Fait que ça joue toujours à peu près des 90-92 minutes, 1h30 à peu près. Ça a eu un budget de 100... S'il s'endort ou s'il ne s'endort pas? Ben normalement, il ne devrait pas s'endormir. Ah, okay. Ça a un budget de 183 millions, puis ça a fait 249 millions à date. Ah, c'est bon. Fait que ça rend, comme chaque film de Pixar, ça rentre normalement dans ses... Ça fait ses frais. Ça a été dirigé par Mark Andrews, puis Brenda Chapman, pour